Tous les textes bibliques contenus ici sont libres de droit. Vous pouvez les réutiliser, et les diffuser, sans mon autorisation. Vous pouvez lire, ou télécharger gratuitement une copie de la Bible David Martin 1855, sur le site web de Desmond Doché, à http://www.dieuenligne.com. La Bible David Martin 1855. L'Ancien Testament. Le premier livre de Moïse dit la Genèse. Genèse chapitre 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme, et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu nomma la lumière, jour, et les ténèbres, nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare, les eaux d'avec les eaux. Dieu donc fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec celles qui sont au-dessus de l'étendue, et il fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue, cieux. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le second jour. Puis Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu, et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Et Dieu nomma le sec, terre, et il nomma la masse des eaux, mer, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre pousse son jet, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et il fut ainsi. La terre donc produisit son jet, savoir, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit, qui avaient leur semence en eux-mêmes, selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux, pour séparer la nuit d'avec le jour, et qui sert, vent de signe pour les saisons, et pour les jours, et pour les années, et qui soit pour luminaire dans l'étendue des cieux, afin d'éclairer la terre. Et il fut ainsi. Dieu donc fit de grands luminaires, le plus grand luminaire pour dominer sur le jour, et le moindre pour dominer sur la nuit, il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux, pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit, que les eaux produisent en toute abondance des animaux qui se meuvent et qui évitent, et qu'il y ait des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue des cieux. Dieu donc créa des grandes baleines, et tous les animaux se mouvant, lesquels les eaux produisirent en toute abondance, selon leur espèce, il créa aussi tout oiseau ayant des ailes, selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, en disant, croissez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit, que la terre produise des animaux selon leur espèce, le bétail, les reptiles, et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut ainsi. Dieu donc fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur toute bête qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est sur toute la terre, et tout arbre qui a en soi-même du fruit d'arbre portant semence, et cela vous sera pour nourriture. Mais j'ai donné à toutes les bêtes de la terre, et à tous les oiseaux des cieux, et à toute chose qui se meut sur la terre, ayant vie en soi-même, toute herbe verte pour manger. Et il fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, il était très bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le sixième jour.